Ouais, rappeur d'en bas, survivant des mondes engloutis. On vit dans le ghetto, y'a des guns dans les trousses à outils. Ça devient trop dur, maintenant le soir on arrête d'espérer. L'hiver devient rude, les loups sortent et les plus faibles restent terrés. Chaque jour qui passe nous laisse une traînée de tristesse. Notre ville partition de musique joue avec peu de justesse. Chez nous la police vient plus, s'ils viennent c'est avec les gars du raid. S'ils y tiennent c'est pour les guns qui ont braqué les prêtres. 93 à la police dans les épinards, y'a trop de truands, même les vieux le racontent en sirotant le pinard. Ici on veut prendre les virages de la vie sans casque. On n'arrivera jamais au bout du trajet sans casque. Dans notre galaxie, les gars dead, les crimes sont dérisoires. On a un destin de one tête, tracé à la lame de rasoir. Derrière nos barrages, l'amertume reste bloquée. Dans chacune de nos syllabes, tu vois que la haine s'est stockée. Je suis emprisonné ici, et le destin c'est ma tôle. Je sais que je sortirai pas du ring sans hématome. Maintenant je sais que l'enfer sur terre, c'est ma zone. 93, Aubervilliers c'est ma zone. Je suis emprisonné ici, et le destin c'est ma tôle. Je sais que je sortirai pas du ring sans hématome. Maintenant je sais que l'enfer sur terre, c'est ma zone. 93, Aubervilliers c'est ma zone. Kalachnikov à la main, retranché dans ma cabane. Respectant les condamnés à perpétuité en cavale. On traîne dans les blocs, parlant de 44, de Glock, de 4-4 et de troc, et de gants 4 et de lock. Cette vie de truand, c'est très tôt qu'on commence à l'aimer. Car dans les biberons, la haine est mélangée au lait crémé. On a la fin du tic sauvage, audace d'une prise d'otage. Et autour des armes, c'est Al Capone qu'on rend hommage. Jeune à l'aube de la mort, pour l'amour du risque, peut-être qu'il nous reste à vivre. Le temps d'un tour de disque, on sait pas si on ira plus loin que 45 ou 33 à chaque virage. On a évité la mort tant de fois, cartouche dans le bide, solide, on a les boyaux durs, dynamite entre les dents, rage de faux, un noyau pur, désert chaotique sans eau, c'est ma zone. La lave brûlante du magma, c'est ma zone. J'suis emprisonné ici, et le destin c'est ma tôle. Je sais que je sortirai pas du ring sans hématome. Maintenant je sais que l'enfer sur terre, c'est ma zone. 93, Aubervilliers c'est ma zone. J'suis emprisonné ici, et le destin c'est ma tôle. Je sais que je sortirai pas du ring sans hématome. Maintenant je sais que l'enfer sur terre, c'est ma zone. 93, Aubervilliers c'est ma zone. Dans notre main, on a une pierre qui brûle de rage et de colère. On vit dans le noir car notre vie est une éclipse solaire. Comportement de sauvage, on se bouffe parce qu'on est cannibale. On a les armes de la vie, mais en fait on les manie mal. On se bat sur un terrain près des arcades de l'enfer. Avec un pied dans le feu et des vautours qui tournent en l'air. On a une destinée, de sales chiens en danger. On a les crocs car dans nos gamelles y'a plus rien à manger. Sans le bise, on mourrait de faim comme en Éthiopie. On veut des euros en tonnes et la NPE est une utopie. On a grandi dans des cages, enfant des sous-sols. Notre parcours un marécage, il faut avancer sans boussole. Hématome, pôle nord de Paris, c'est ma zone. 93 tandem, c'est ma zone. Les champs de bataille en sang, c'est ma zone. Le territoire Masta Air, c'est ma zone. J'suis emprisonné ici, et le destin c'est ma tôle. Je sais que je sortirai pas du ring sans hématome. Maintenant je sais que l'enfer sur terre, c'est ma zone. 93, Aubervilliers c'est ma zone. J'suis emprisonné ici, et le destin c'est ma tôle. Je sais que je sortirai pas du ring sans hématome. Maintenant je sais que l'enfer sur terre, c'est ma zone. 93, Aubervilliers c'est ma zone. Aubervilliers c'est ma zone. Le Diego NTCHA, l'ancien. Hey. Aubervilliers, c'est notre zone. Yeah. Masta Record.